Le jour parut, et bientôt le soleil lança son premier rayon, un long rayon clair, venu du bout de l'horizon, sur le doux visage de la dormeuse. Elle s'éveilla, s'assit, regarda la campagne, regarda Morin et sourit. Elle sourit, en femme heureuse, d'un air engageant et gai. Morin tressaillit. Pas de doute. C'était pour lui ce sourire-là. C'était bien une invitation discrète, le signal rêvé qu'il attendait. Il voulait dire, ce sourire, « Êtes-vous bête? Êtes-vous niais? Êtes-vous jobard d'être resté là comme un pieu sur votre seuil depuis hier soir? Voyons, regardez-moi, ne suis-je pas charmante? Et vous demeurez comme ça toute une nuit en tête-à-tête avec une jolie femme, sans rien oser. Grand sot !» Elle souriait toujours en le regardant. Elle commençait même à rire. Et il perdit la tête, cherchant un mot de circonstance, un compliment, quelque chose à dire, enfin, n'importe quoi. Mais il ne trouvait rien, rien. Alors, saisi d'une audace de poltron, il pensa « Tant pis, je risque tout ». Et brusquement, sans crier « Gare !», il s'avança, les mains tendues, les lèvres gourmandes, et, la saisissant à plein bras, il l'embrassa. D'un bond, elle fut debout, criant « Au secours !», hurlant d'épouvante. Et elle ouvrit la portière. Elle agita ses bras dehors, folle de peur, essayant de sauter, tandis que Morin, éperdu, persuadé qu'elle allait se précipiter sur la voie, la retenait par sa jupe en bégayant. « Madame, oh, madame !» Le train ralentit sa marche, s'arrêta. Deux employés se précipitèrent au signaux désespérés de la jeune femme qui tomba dans leurs bras en balbutiant. « Cet homme a voulu me... » Et elle s'évanouit. On était en gare de Mauzet. Le gendarme présent arrêta Morin. Quand la victime de sa brutalité eut repris connaissance, elle fit sa déclaration. L'autorité verbalisa. Et le pauvre Mercier ne put regagner son domicile que le soir, sous le coup d'une poursuite judiciaire pour outrage aux bonnes mœurs dans un lieu public.